Regarde, Vincent, comme ça a l'air chouette comme coin. C'est l'endroit idéal pour toi, non? Ouais. Écoute, ça peut que te faire du bien. À toi et... Non, ne le dis pas. De quoi? Monsieur Dumbo? Ah, tu l'as dit. J'ai dit quoi? Monsieur Dumbo? Tu veux pas que je dise Monsieur Dumbo? Bah, c'est si tu veux. Bon, je dis plus Monsieur Dumbo. C'est fini, plus de Monsieur Dumbo. Je dirai plus jamais Monsieur Dumbo. Hop, oubliez Monsieur Dumbo, parti. Quoi? Monsieur Dumbo? Qui ça? Je connais pas de Monsieur Dumbo, moi. Ouais, d'accord, t'as gagné, ouais. J'ai un problème avec Monsieur Dumbo. Moi, Monsieur Dumbo est en vacances, il fait la grasse matinée. Seul l'air pur de la campagne pourrait le revigorer d'après le docteur. Faut que j'accepte mon problème, hein, c'est ça? Problème de quoi? Bah, de Monsieur Dumbo. Monsieur Dumbo? Connais pas. Ah, si, ça me dit quelque chose. Monsieur Dumbo... Mais dis-moi, Monsieur Dumbo est un Monsieur Dumbo d'Afrique ou d'Asie? Pourquoi? Pour savoir si elles sont plus grandes ou plus petites. Oh, t'es chiante, Rebecca. T'es juste mon assistante, je te rappelle, pas une comique. Peut-être, mais je t'accompagne quand même ici pour t'aider. Tout seul, tu serais bien triste. Comment s'appelle ce petit village en aval? Bitbourg. Ça a l'air chouette, non? Regarde, on voit une petite épicerie là-bas. Oh, et puis il y a un café, on pourra se renseigner. Ouais, mais y a pas de boucherie, là. Y a pas de tabac journaux non plus. Si ça se trouve, c'est que des façades en carton, un leurre, une fausse ville construite par des chats sauvages qui vivent en marge de la loi et qui attendent que des touristes crédules pour les dépouiller de leur argent, ouais, en leur vendant des petits souvenirs minables. Les chats habillés avec des robes en dentelle qui dansent des danses que personne pourrait danser, hein, qui n'existent même pas et qui parlent quand on leur bouge le bras et qui disent « N'oubliez pas de manger le miaou miaou local et... » Mais t'es allé où en vacances, toi, dernièrement? Oh, j'aime pas les vacances. T'énerve pas. On comprend plus rien quand tu t'énerves. Allez, viens, on va voir ce que ces petits chatounets ont dans le ventre. Ouais, des tripes, ils ont des tripes. Ah, c'est marrant. Tripes, il y a déjà un R. On comprend bien, là. Allez, viens, on va monter dans la broum broum. Kids et les moins kids, c'est Roby qui vous parle, vous êtes sur BBFM, la radio que l'on aime, la radio des bites bourgeoises et des bites bourgeoises. On vient tout juste d'écouter son dernier tube, nous recevrons dans quelques minutes monsieur le maire et son conseil municipal. Monsieur son conseil municipal. Mais ça, vous en expliquerez tout à l'heure, pour l'instant, c'est l'heure des news. Aujourd'hui à 14h, la saison sportive reprend à Bitbourg puisqu'est organisée sur le parking de la Joyeuse Goutte, votre café, bar, brasserie, taverne, bistrot, pub des mille boissons préférées, avec un tournoi de... Tu vois, ils ont l'air civilisés. C'est pas les chats qui font la loi ici. Ouais, allez, change de station s'il te plaît. C'est bizarre. J'ai regardé tout à l'heure. Y'a rien d'autre. C'est peut-être l'antenne. C'est étrange. Tu veux que je mette un CD? C'est bizarre, c'est étrange. Bon, je mets un CD. C'est pas normal. Vous êtes sur BBFM et c'est Roby qui vous parle toujours. Monsieur le maire. Bonjour Roby. Vous allez bien? Oh, une petite diarrhée ce matin, mais c'est passé. Monsieur le maire, je vous en prie. Quoi? Soyons honnêtes avec les lecteurs. On dit les électeurs. Alors, monsieur son conseil municipal, vous avez accompagné monsieur le maire pour évoquer le projet de Bitbourg. Tout à fait, le projet de réaménagement. Qui consiste à réaménager. Je voudrais ajouter nous aussi n'avons que... Nous plus de temps, monsieur le maire, je suis désolé, puisque... Mais tout de suite, un peu de pub. J'étais bien, là? Bah, il y a des fois où on comprend pas tout. C'est normal, c'est le parler de Jones de la bande FM, monsieur le maire. Bah, j'étais jeune dans ma jeunesse et on n'avait pas... de parler singulier. Ouais, bon, enfin bref, sinon ça allait. Vous avez supposé de bonnes questions dont la pertinence m'a abasourdi, Roby. Notre commune peut se vanter de posséder un grand journaliste. Tenez. je voulais un autographe à monsieur son conseil municipal. Vous avez bien un prénom, je suppose. C'est pour vous ou votre petite fille? Non, non. Faut signer là, Roby. C'est le contrat pour le réaménagement de la radio, pour que vous puissiez nous donner votre accord. Vous comprenez, on réaménage tout, alors tant qu'à faire, réaménageons la radio. Ah oui, oui, voilà, c'est signé. Alors on y retourne là, parce que la pub, c'est fini. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Réveillez-vous! Excusez-moi, j'ai été jeune hier soir et je me suis couché à 22h15. C'est dur d'être jeune quand on est vieux. Vous êtes toujours sur BFM et je commande. Content de recevoir monsieur le maire et son conseil municipal. Monsieur son conseil municipal. Et où est les boys, et où est les girls, et où est les boys and girls? Ah, ce sacré Roby, toujours à l'aise, même avec les grands de ce monde. Ouais, mais il a pas des blagues, hein, Carole? T'en as pas des nouvelles pour nous faire rire? Ouais, vas-y, Carole, fais-nous rire! Allez, Carole, allez, Carole! Je pourrais en avoir un autre? Une petite goutte, une joyeuse goutte? Ouais, sacré Carole! Bon, pour la blague, ce sera plus tard, hein, d'accord? Ouais, t'es pas comique, finalement. Salut tout le monde. On vient se renseigner au sujet de renseignement. Enfin, on veut se renseigner au sujet de la ville. C'est étrange, ils répondent pas. Oui, lâchez-moi tout gazer le bignou de l'iPod de Pédé. Oui, les pâtiers là-bas. La pub des bousouf d'El Pichu, lâchez-moi tout gazer à pub bousouf. J'ai dû louper un mot quelque part parce que j'ai pas tout compris là. Oh, c'est juste un extraterrestre qui vous parle dans sa langue. Il a dit qu'il venait de conquérir le monde. Oh mon dieu, Rebecca, mets-toi derrière moi vite, je te protégerai de mon corps. Mais non, c'est juste le Parisan, il vous disait bonjour dans sa langue. Il parle que le patois du coin, faut comprendre. Ah, je me disais aussi. Oh, bel bonsoir, ma batterie, la vache pour les demain. Oui, pareil. Bienvenue à la joyeuse goutte, étranger, qu'est-ce que je vous sers? La main. Juste un kir. Même chose. Très bien, vous êtes venu en vacances? Ouais, pour un petit moment, ouais. Très bien, maintenant qu'on a du tourisme à Bigbourg, on va peut-être pouvoir construire un hôtel. Vous n'avez pas d'hôtel? Bah non, mais si vous voulez un endroit où dormir, il y a toujours une chambre au-dessus du café. C'est étrange, ils n'ont pas d'hôtel. Je n'aime pas ça, Rebecca. Ah, oh, et puis, ils ont des cacahuètes grillées. T'as vu? C'est vachement bon, les cacahuètes grillées. Oh, mais récoute votre dit. Tu t'énerves, Vincent, je comprends plus. Voici vos kirs. C'est quoi comme radio que vous écoutez, là? C'est BBFM, Bigbourg FM, quoi. C'est vachement bien, il y a Roby qui est drôle, mais... Carole. Et Carole, c'est une amie à vous? Bah Carole, c'est Carole. C'est moi Carole, je m'appelle Carole. Carole, c'est mon prénom. Mais c'est votre vrai nom? Bah oui. Chut! Écoutez, il y a Roby qui cause. BBFM. Et où est les boys, et où est les girls, et où est les boys and girls? Je suis toujours en compagnie de monsieur le maire et de monsieur son conseil municipal. Alors, ce réaménagement, ça va déménager? Sacré Roby, 12 rue des Alouettes, 07 58 25 12 82. Ah, ce sacré Carole, t'as toujours le numéro pour rire. Alors, c'est quoi ce plan de réaménagement? Oh, je sais pas trop, je crois qu'ils vont réaménager Bigbourg. Oh, et puis tiens, ça tombe bien, ils pourront y prévoir un hôtel. Parce que vous n'avez réellement pas d'hôtel? Je pensais que vous jouiez de nous. Me jouer de vous. Ha! T'es un sacré numéro, toi. Ce serait pas le 07 25 28 35 25? Ah ouais, j'ai compris, là. Moi pas. Mais comme moi, fais semblant. Bon, allez, je vais vous montrer vos chambres. Et puis, les gars, pendant que je suis là-haut, je vous fais confiance, hein. Déconnez pas avec le bar. Ici, on n'est pas au 36 rue Pradin, 08 32 45 60 82. Oh non, arrête, Carole, je vais me faire des... Bon, on prend l'ascenseur. Parce que vous avez un ascenseur dans le bar. Bah, aussi loin que je me souvienne, on a toujours eu un ascenseur dans le bar. Bon, bah, pour vous faire plaisir, on n'a qu'à prendre l'escalier. Oh, il est bien raide, votre escalier. Oh, bah non, c'est bien le moins raide de tous, ici. Trop fort. Bah, qu'est-ce que vous avez à glousser? J'ai rien dit de drôle. Je comprends pas. Je croyais pourtant avoir compris. C'est étrangement bizarre. Voilà, c'est pas le grand Luxor, mais c'est ensoleillé et la fenêtre donne sur le champ de potage. Vous voulez dire le potager? Oh non, j'ai bien des vieux potes, mais ils passent pas leur temps sous les fenêtres. Elle est complètement hystérique, votre régulière. Non, on est juste collègues, hein, on s'aime pas, on n'a jamais couché ensemble. De toute façon, pas de risque que monsieur Dumbo me charge. Ouais, hein. Combien tu baries? Sinon, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Je suis chargée de commission au bureau. Et moi, je suis assistante de commission chargée au bureau du secteur. Un métier formidable. Et ça consiste en quoi? Mais comme si vous saviez pas. Vous êtes vraiment un bout en train. C'est ce qu'on dit. Je vous ai pas fait les pages jaunes encore. Alors sinon, la salle de bain, c'est ici, et les toilettes, c'est là. Mais c'est dans la même pièce? Bah oui, à côté du lit. Bah ça fait quand même petit, ici. Elle sert à quoi, la grande pièce vide, à côté? Bah, fallait bien qu'on mette la fenêtre quelque part. Bon, je vous laisse vous installer. Je retourne servir en bas, la radio est là. Sinon, évitez de fermer la porte avant 2h du matin, parce qu'il faut bien que je range les balais quelque part. Mais vous les mettez pas dans un placard? Bah, où est-ce que je mettrais les cintres? Bonne question. Bon, je vous laisse. Il fait soif en bas. Il pue. Comment ça? Il sent pas bon, il cache quelque chose. Je sais pas. Des croûtes de fromage dans ses poches? Un rat mort dans son caleçon? Non, je t'en prie, Rebecca, fais pas ta conne. Tu l'as bien vu comme moi qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette ville. J'ai pas vu de manège. Mais rends, je prends qu'elle ramène un croment. Je t'en prie, t'énerve pas, tu me fais peur. On dirait que tu parles allemand. Ce projet de réaménagement. Voilà, c'est louche ça, hein? Réaménager quoi? Et avec quel argent? Yes, I, monsieur son conseil. Monsieur son conseil municipal, c'est un nom composé. Depuis le divorce de mes parents. Papa, maman, je vous aime tous les deux. Revenez-moi. Ok, sympa, le trip mélancolie. Sinon, monsieur le maire, ça va? Oh bah, j'ai rêvé que je volais dans les caisses de la commune. Monsieur le maire? Vous voulez dire voler avec des ailes, comme les oiseaux, les autruches, les émeus? Non, voler le pognon. Oh, monsieur le maire, non! Bien quoi foutre au ciel, il faut être honnête avec les recteurs. Les électeurs, monsieur, les électeurs, vous avez vraiment du mal avec ce mot. J'ai soif. Bon, sinon, monsieur son conseil, le plan de réaménagement? Bien, je crois que j'ai tout dit. Effectivement, l'exhaustivité de votre discours n'a d'égal que le bleu de vos yeux, qui ressemble à s'y méprendre aux perles d'un collier, qui pourrait parler ou le décolleté. Une grosse femme, bien grosse, avec des mamelons. Oh, c'est bon, une femme, ça fait tellement longtemps qu'on sait pas écouter un petit peu de musique. Hop là, on se réveille là-dedans, on se réveille là-dedans. Oh Alberto, on a plein de choses à faire aujourd'hui. Prendre sa douche, manger du sec, aller se promener, puis surtout beaucoup se faire chier. Mmh. Allez, on me la fait pas à moi, c'est l'heure de la récré. Tiens, pour donner des forces, y'a le directeur qui t'a donné des tartines. Ouais, chouette, j'adore les tartines, et puis ça se mange lentement. Et puis tu sais quoi? Non. Quoi? Hein? Non quoi? Non, je sais pas. Tu sais pas quoi? Bah, est-ce que vous savez? Je sais quoi? Bah, est-ce que vous savez? Tu sais pas quoi? Non, je sais pas. Non, quoi? Hein? Quoi? Non. Et puis tu sais quoi? Il y a des nouveaux venus à Bitbourg. Allez, sors de là, voilà tes tartines, direction la douche. Hein? Il y a des nouveaux à la prison? Ah non, rêve pas mon gars, t'es toujours tout seul. Allez, sors de là, voilà tes tartines, direction la douche. Et puis, on n'oublie pas son savon, 007-523. Et je vous en prie, hein, 007, ça suffira. Le 523, ça fait un petit peu de tape à l'œil. Et de toute façon, je suis pas un matricule. Je suis un homme... Non. En prison, définitivement en prison, d'accord, mais je suis un homme tout de même. Ouais, c'est ça, t'es un homme tout crassou, tu vas pas sortir comme ça. D'ailleurs, tu vas pas sortir du tout. Allez, dépêche-toi d'aller sous la douche. Ouais, je ferme la porte tout derrière moi. Hein. D'accord, mais traîne pas, je te connais, on me la fait pas à moi. Wouhou! Qu'est-ce qu'il y a, Alberto? Ça va pas? Elle est froide. Quelle chochotte. Oups, j'ai fait tomber mon sao. Ça me fait toujours ça quand je pense trop fort. J'ai plus de poigne. Oh, il est bien bas, dis donc, je vais devoir me baisser pour le ramasser, cambrer le dos, exposer mes petites fesses charnues au danger potentiel d'une vie carcérale. Et ils sont nombreux à me regarder de leurs yeux avides de jouissance, s'imaginant dans leurs draps humides, corps contre corps, moites et moites, et accessoirement moi. Je sens leur regard sur mes jambes et leurs doigts qui s'approchent pour me... Allez, Alberto, tu te manges. Allez, ça frotte. J'entends pas, tu dois chanter. Et je frotte dans la prison, et je frotte dans la prison, et puis je rince le savon, et puis je rince le savon. J'ai fait des choses très vilaines, j'ai fait des choses très vilaines. Il faut que je purge ma peine, il faut que je purge ma peine. Allez, frotte, frotte. Ok. Con celui-là avec tout son gros folklore de prison à la con. Ouais, de toute façon, j'en ai plus pour longtemps ici. Enfin, si normalement, mais bon, cette fois, je serai plus malin qu'eux. Ouais, les nouveaux venus sont peut-être là pour m'aider. Ouais, sûrement, ouais. Mais comment faire pour les joindre? Roby? Ouais, Roby, c'est ça, ouais. Je vais passer une dédicace à la radio. Eh, monsieur Maton, je pourrais écouter Roby cet après-midi? Ouais, mais je t'entends plus frotter, là. Ouais, mais quand j'écouterai Roby, je pourrais lui passer une dédicace. Oh, t'en demandes peut-être un petit peu trop, là, je sais pas. Faudra voir ça avec monsieur le directeur. Oublie pas que Jacqueline Aboubillara, notre femme de ménage, passe après toi pour enlever la crasse que t'as laissée. Allez, frotte, je t'entends plus. D'accord, monsieur. Et je me lave une oreille, et je me lave une oreille, et je me lave le bidon, et je me lave le bidon. Oups, j'ai fait tomber mon savon. Mais qu'est-ce que t'as à tourner en rond? Tu te fais chier ou quoi? Ouais, comme un rat mort. Ou comme une belette. Ou comme une marmotte. Ou comme une marmotte, c'est plus mignon. Est-ce que je peux me faire chier tranquille, non? Oh, bon, tiens, écoute ça. D'où tu sors ce journal, toi? Il était par terre. Bon, t'écoutes ou quoi? Monsieur le maire, mégaphone en main et malgré son corps aux pieds, aurait fait une déclaration. Mes chers concitoyens, comme vous le savez, je vous aime. Ce à quoi aurait répondu une foule déjà conquise et unanime. Nous aussi, monsieur le maire. Et alors? Ben, je sais pas. Quelqu'un a mangé la page? C'est étrange. Attends, écoute ça. Tikeshukeshu, tikeshukeshu, la jeunie, la jeunie. C'était quoi ça? Ben, une pub. J'aime encore. Chez Abdul Pola, la la, les petits pois, ils sont sympas et les haricots verts. Chez Abdul l'épicier, les prix sont abaissés. Liquidation totale avant réaménagement. Réaménagement? Encore cet énigmatiquement mystérieux réaménagement. Il faudrait demander à Carole où se trouve cette mystérieusement énigmatique épicerie. Je vous le dirai si vous descendez du comptoir. Qu'est-ce qu'on fait en bas? On était encore dans la chambre, il y a deux répliques. Faut qu'on arrête le 100 mètres nage libre dans la salle de muscu du bureau. C'est juste à côté. De quoi? La salle de muscu du bureau? Non, l'épicerie, c'est bien ce que vous avez demandé. Mais ça, c'était au moins il y a 4 répliques et on était encore dans la chambre. Ouais, mais vous êtes descendu vachement vite. Maintenant, ça suffit, les conneries. Je veux bien être gentil, mais vous descendez de mon comptoir. Oui, allons plutôt. Non, Rebecca. Ouais, touchez de moi, cet épicier. Oui, monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Mais vous êtes qui, vous? Abdul Pola, épicier de proximité, pour vous servir. Mais quoi? On est déjà dans l'épicerie? Oui, ça fait déjà 3 bonnes répliques. Mais vous avez entendu ce qu'on a dit? J'ai tout entendu. Je m'occupe de mon client et je suis à vous. Bon, Abdul, tu peux bien allonger mon ardoise. N'essayez pas de faire du copinage avec moi, monsieur. Ça marchera pas. Rendez plutôt service aux gens. Alors, rendre service aux gens, comment faire? J'aurais bien une petite idée, mais... Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, vous? Non, rien. Il faut que j'y aille. Mets des saucissons de côté. Je te paye dans 5 minutes. Bon, d'accord. À vous, messieurs, dames. Non, David, Vincent David. Et voici mon assistante de commission chargée au bureau du secteur, mademoiselle Comment Déjà. Bon, Comment Déjà? Comment as-tu pu oublier? C'est moi, Rebecca. Rebecca Comment Déjà? Ah oui, votre assistante de commission chargée au bureau du secteur. Vous avez l'air au courant de bien les choses, vous. Dites-moi, ce projet de réaménagement... Ah non, ce projet de réaménagement, je m'en occupe pas, moi. Moi, je veux pas d'histoire. Aussi loin que je m'en souvienne, je me suis jamais occupé de ça, moi. Quel est donc ce bruit étrange qui vient de l'étagère des petits pois? Psst, des boîtes de petits pois qui fuient? Ah, moi j'ai rien entendu, moi je veux pas d'histoire. Je vais voir, ne bougez pas, c'est peut-être dangereux. Oui, bon, alors je vais en profiter pour discuter avec vous. Est-ce que vous avez des serviettes hygiéniques? Ah oui, bien sûr, en coton ou en laine? Y a quelqu'un? Et y a quelqu'un? C'est bon, vous avez attiré mon attention là, c'est bon, vous pouvez parler. Vous êtes mon indicateur secret, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis votre indicateur secret. On donne de l'argent aux indicateurs secrets? Probablement, oui. Vous êtes mon premier indicateur secret, je ne sais pas comment procéder. Eh bien, appelez-moi Gorge Profonde. Ah non, c'est déjà pris ça. Bon, alors Sphincter Purulent. C'est un petit peu limite quand même. Bon ben, larynx géant, ça vous va? J'achète. Bon, alors ça sera déjà 50 francs, mais n'approchez pas, vous verriez mon visage. Oui, vous avez raison, c'est sûrement comme cela qu'on procède avec un indicateur secret. Bon, alors, ce plan de réaménagement, c'est louche, hein? Oh oui, c'est louche. Vous avez bien remarqué, vous aussi, c'est louche. Alors, ça consiste en quoi? Eh bien, réfléchissez, vous devez bien vous en douter, vous n'avez pas pu passer à côté. Oui, bien sûr. Comment aurais-je pu? C'est gros. Gros comme une maison. Oui, c'est ça, une maison. Ils vont déplacer une maison? C'est ça? Mais non, tout le monde va se rendre compte si on déplace une seule maison. Ils vont déplacer toutes les maisons, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il faudra qu'ils enlèvent les commerces aussi. Ils vont... Non, c'est pas possible. Mais si. Allez, dites-le. Ils veulent délocaliser la ville? Oui, c'est ça, vendu. Allez, ça sera 150. Ah, c'est pas donné. Bah, il s'agit de la ville tout de même, hein. Vous seul pouvez arrêter ça. Donnez l'argent. Ouais, je vous donne ça tout de suite. Me regardez pas. Oui, ok, je vous comprends. Vous voulez rester dans l'anonymat. Non, je veux juste rester caché. Bon, c'est 200, je vous ai vendu le nom de larynx géant. Vous vous souvenez? C'est vrai. Bon, je suppose que je dois y aller. Oui, vous devez y aller sans tarder. J'ai faim et cette boîte de petits pois qui me coule dessus. Rebecca, agrippe ce que tu peux et viens. Ah non, mademoiselle, ça c'est mon bras. Je viens. Sortons. Abdul, Abdoul, sors les saucissons et je règle mon ardoise. Ce sera 200 francs, monsieur, prends pas une. Mais où avez-vous trouvé cet argent? J'ai fait comme vous me l'aviez dit, j'ai aidé des gens. Vite, vite, y a pas une seconde à perdre. Mais arrête, Vincent, tu me fais mal. Tu ne sais même pas où tu vas. C'est vrai, ça, on ne sait même pas où on est. Tout a été si vite. J'aime bien cette phrase-là. Moi aussi. Quoi, tout a été si vite? Pas tellement, finalement. Et si on essayait comme tout à l'heure à la joyeuse goutte, là? Tu veux dire prononcer des phrases pour se déplacer rapidement? Ouais, et vite, on n'a pas de temps à perdre, mon chou. Depuis quand tu m'appelles mon chou? Je t'ai toujours appelé mon chou. Aussi loin que je m'en souviens. Arrête, tu parles comme eux. Peter Brushing, coiffure, visagiste, toute coupe, tout cheveux, prend aussi les enfants. Ah, mais qui êtes-vous et que faites-vous avec ces ciseaux? Ah, mais c'est qu'on n'a rien trouvé de mieux pour couper les cheveux, hein. Je vous dégage les oreilles? Rebecca, fric-cours! Ah, mais je sais pas, moi, sushi! Messieurs les Power Rangers, je vous ai toujours estimé au plus haut point. De même, j'aime avoir une certaine intimité avec mes thésauriseurs. Mais tout de même, venir jusque dans mon bain... C'est que je me suis trompée. Je voulais dire... Colcos! Abouillou, la fachade des bouniguées. De grisons des filatous. Papayou, lélé. T'es au bout du rouleau, toi? Faut que je fasse quelque chose. Trouve une phrase qui nous ramène à la joyeuse goutte. La joyeuse goutte terminus. C'est là qu'on descend. Là, je comprends plus. Mais c'est pourtant simple. Vous vous trouvez en face de ce que l'on appelle couramment dans le jargon scénaristique une panne d'inspiration. Alors, une panne d'inspiration, comment ça marche? Je suis fort aise que vous me posiez la question. Et je vais y répondre séance tenante. Il est tard, et nos deux scénaristes, le troisième étant lâchement parti se gaver de chapons et de patates chez sa mère, n'ont plus d'autre choix que de se rendre, tel Vercingétorix à Alésia, tel Geronimo devant le général Custer, tel l'ivrogne devant ses toilettes, n'ont plus d'autre choix donc que de se rendre à l'évidence. Ils n'ont plus d'idée. C'est alors qu'ils décident, dans un souffle de génie qui vient caresser doucement leur folle toison, de réutiliser un procédé facile qui les sauva une scène plus avant. Vincent et Rebecca sortent de chez Abdoul l'épicier. Un homme charmant. Vincent est comme fou. Il exerce une forte traction sur le bras de sa compagne, l'enjoignant ainsi à le suivre. Le suivre pourquoi? Pour aller où, dit-elle. Il lui dit qu'il ne sait pas, qu'il ne saura jamais. Il dit qu'il n'a rien vu à Pittsburgh. Ouais, bon, Marguerite, tu te calmes. Oui, pardon. Nos deux amis essayent alors de renouveler l'exploit qui les avait propulsés depuis la joyeuse goutte jusqu'à l'épicerie d'Abdoul Pola. Vincent s'autorise quelques familiarités à l'encontre de sa compagne. Oui, c'est vrai, pardon, vous n'avez jamais couché ensemble. Vincent s'autorise donc quelques familiarités qui les mèneront tout droit et sans raison apparente chez Peter Brushing, le coiffeur visagiste toute coupe, tout cheveux de Bitbourg, qui prend aussi les enfants. La vision des ciseaux donnant une bonne frousse à Vincent, il implore l'aide de Rebecca qui ne trouva rien de mieux que le mot « sushi » pour les expédier dans la baignoire de Monsieur le maire de Pittsburgh, qui s'y trouvait justement et qui les convainc par une petite allocution improvisée d'aller plutôt respirer l'air de la campagne ou bien encore d'aller se faire voir chez les Grecs. Nos deux protagonistes retiendront la première option et grâce au terme « colcos » se rendront chez le Périsan qui, visiblement, les effraiera au point de leur faire perdre la raison. Mais pas le chemin de la joyeuse goutte, le café Barbara Siri, bistrot, pub, débit de boisson de Bitebourg, puisqu'ils s'y rendront en empruntant, on ne sait trop comment, un des véhicules de transport en commun de Bitebourg, dont je suis le rechauffeur. Alors voilà, ça y est, on est enfin rendu maintenant, alors vous descendez et vous allez déjouer cette innommable conspiration qui... que on pourrait d'ailleurs nommer, que pensez-vous de la conspiration qui viendra voler votre maison? Ouais, pas mal, mais bon. Quoi, mais bon? Si ça vous plaît pas, vous n'avez qu'à descendre de mon bus. Eh bien, nous n'allons pas nous en priver. Salut! Allez, sans regret, on y va, nous. Come on, everybody! Non, mon nom à moi, c'est Vincent. Bon, come on, Vincent, alors. Mais grouille-toi, on n'a pas de temps à perdre. Mais si, là ça va, on n'a pas grand-chose à faire, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te reconnais plus, là. T'as pas envie de sauver le monde? Oh, si, c'est vrai, j'oubliais. Allez, Rébi, vite, allons à la bite-cave. Régis? Quoi, Régis? Bah oui, Régis, notre majordome. Vincent, tu deviens fou. On n'a jamais eu de majordome. Mais si, aussi loin que je m'en souvienne. Oh non, ça va vraiment pas, toi. Mais ressaisis-toi, Vincent. Tu parles comme tes pires ennemis. Et alors? Je vais pas toute ma vie être un contestataire. Je pense qu'il est temps pour moi de rentrer dans le rang, maintenant. J'en ai marre de me battre contre des moulins. Et d'ailleurs, qui te dit que c'est pas eux qui ont raison? Bah, toi? Oh, mais cesse donc de prendre tout ce que je dis pour argent comptant. Qu'est-ce que tu peux être has-been, Rebecca? Il est temps de tourner la page. Et puis, tu sais, au fond, je suis un grand déconneur, moi. Je pensais pas une seconde à ce que je disais quand je parlais de ces conspirations. Vincent, tu as bu? Oui, et j'ai un peu fumé aussi. Va te coucher, t'es une vraie merde. Ok. Les rédacteurs du feuilleton vous prient d'excuser ce passage incompréhensible qu'un de nos rédacteurs ait la mauvaise idée de rédiger. Il était seul, il avait bu, il n'a pas eu de relation sexuelle depuis 8 ans. Vous comprendrez donc aisément toute sa tristesse. Revenons donc à notre aventure pour la suite de « Aussi loin que s'en souviennent les lilas ». Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens plus de rien depuis notre départ de chez Abdul Pola. Je sais pas. On est où? Les rédacteurs du feuilleton informent leur personnage qu'après bien des pérégrinations, ils se retrouvent à la Joyeuse Goutte, après avoir pris un bus conduit par un agréable chauffeur. Et vous? Qui êtes-vous? Je suis la voix off. Mais vous n'arrêtez pas de parler, là. Ça devient gênant. Si je pouvais intervenir plus souvent, ce serait bien. Je suis payé à la ligne. Ouais, d'ailleurs, à ce propos, là, je voudrais intervenir. Sandaline, directrice de Prune, vous avez peut-être un épisode à finir, non? Mais déjà qu'il est incompréhensible, ce serait vraiment bien de l'arrêter là. Et puis en plus, si vous pouviez empêcher la voix off de parler, on a budget à pas dépasser, ok? Je voulais juste me faire quelques extras. Ouais, c'est toujours Sandaline. Maintenant, je déconne plus. Vous maniez vos petites fesses, le studio, il sert à d'autres personnes aussi. Très bien, nos deux personnages se retrouvent donc à la porte de la Joyeuse Goutte. Non mais tu te fous de ma gueule? C'est pas bien, je vais devenir méchante. Maintenant, tu te tais et tu laisses parler les personnages. C'est à nous, là. Je crois que c'est à nous. Donc, reprenons. Regarde derrière nous, Vincent. La Joyeuse Goutte. Et l'épicerie est juste de l'autre côté de la rue. Pourquoi on a fait tous ces détours? On est un peu cons. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a une conspiration et que je me dois de déjouer. Une conspiration? Mais de quoi tu parles? Rebecca, il te vaudra d'être forte. Eh oh! Je pèse déjà 54 kilos, ça me suffit déjà bien assez. Je disais, il te faudra être courageuse. Les gens veulent délocaliser Bitbourg vers un endroit plus peuplé. Souviens-toi, même le chauffeur du bus en a parlé. Mais c'est complètement fou! C'est pourtant la vérité. Et je pense que si j'y étais, enfin, si je suis malade... Si Monsieur Dumbo est malade... Excuse-moi. Je disais donc que si je suis malade, si je suis venu ici, ce n'est pas par hasard. Enfin, si le hasard m'a confié cette mission, celle de déjouer les conspirations qui touchent Bitbourg. En l'occurrence, celle-là. La délocalisation de la ville? Oui. Allons-y, Rebecca, je dois sauver Bitbourg. Vincent! Vincent! Où cours-tu? Où vas-tu? Je sais pas, mais faut que je fasse vite, je trouverai bien! Mais tu voulais pas aller à la Joyeuse Goutte? Ah ouais, c'est vrai, je suis totalement déboussolé. Par où il a dit Carole qu'il fallait prendre pour se rendre à la mairie? Je sais pas, il avait une petite saucisse apéritif dans la bouche quand il m'a expliqué le chemin. La rue à droite, ça te tente pas? Il commence à faire noir. Tu as peur? Non. Tu es raciste? Bah, non plus, mais c'est quoi ces questions? Je sais pas. Pourquoi on va voir monsieur le maire au fait? Mais t'as pas écouté ce que je t'ai dit tout à l'heure ou quoi? Tu m'en écrouramais! Récrentre! Respire! Respire! J'ai l'impression que bientôt je vais porter une étoile jaune! Ouais, arrête de dire que je parle allemand. Puis tu sais, tous les Allemands ne sont pas nazis. Tu as ces clichés des fois. Si on va voir monsieur le maire, c'est pour avoir des explications sur la délocalisation. Il faut attaquer le mal à la racine. En l'occurrence, la racine du projet, c'est le maire de la ville. Alors là, on arrive à un carrefour. Il n'y a presque pas d'éclairage et le soleil s'est déjà couché. Je t'avoue que je ne suis pas rassurée. Il n'y a pas une carte de la ville dans un coin, un arrêt de bus, un truc comme ça? On n'a qu'à sonner à une porte. Il y a bien un autochtone qui nous aiguillera. Ouais, sonnons à cette porte. J'ai envie d'aller aux toilettes. Bah, il est en méditant, dis donc, l'autochtone. Il est peut-être aux toilettes. Ou c'est une vieille personne qui met du temps à se déplacer. Et si c'était... une vieille personne, morte, toute seule, sans famille, que personne ne se rendrait compte de son absence et que... Non, Rebecca, non, arrête, tu te fais du mal, ce n'est pas ton père. Tu le sais, c'est du passé, ce n'est pas ton père. J'aurais dû l'appeler, Vincent, j'aurais dû lui dire que... Oh, Vincent, je n'ai jamais su le code de sa carte bleue. Il est heureux maintenant au paradis. Le paradis n'existe pas. Quoi? Vous savez pas? Mais le Père Noël... Non plus, Vincent. Oh, non. Bonjour. Ah! Oui. Aussi, puisque c'est ainsi que l'on a coutume de saluer les gens quand il fait noir dans votre pays. C'est le monsieur de la baignoire. Hey, mais je vous reconnais. Vous êtes les deux prestidigitateurs qui apparaissent et disparaissent dans les baignoires des gens. Ne seriez-vous pas Siegfried et Roy? Mais je ne vois pas votre tigre. Serait-il souffrant? Non, non, je vous en prie, ne lui parlez pas de tigre. Il a un léger problème avec les animaux de la savane. Ouais. Écoutez, monsieur, on vous a déjà assez importuné comme ça. Viens, Rebecca, repartons à la recherche de la maison du maire. Au revoir, monsieur, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Quant à nous, nous voilà repartis. La maison du maire, la maison du maire... Mais c'est ici, la maison du maire! Et d'ailleurs, je suis moi-même le maire! Et revenez! Revenez, jeune antilope! Je suis celui que vous cherchez! Je suis le maire! Ouais, c'est ça, on lui dira! Mais attendez, enfin! Ne partez pas! Je vous aurais pourtant prévenu! Vous verrez bien dans quelques épisodes! Laissez-moi au moins un autographe! T'as vraiment envie de continuer? Non, je dois avouer que cet illuminé m'a considérablement claqué. Rentrons à la joyeuse goutte. Oh non! On va encore passer de lieu en lieu sans rien comprendre! Mais non, regarde, c'est juste là. Ah, bah là, je comprends pas. On n'est plus à ça près. Hein. Alors, avez-vous avancé dans votre enquête? Non, Carole, rien de rien. On le regrette bien. On va se coucher, on est tellement fatigué. Qu'on ne nous dérange pas, Carole. Écoutez donc la radio avant de forniquer, cela peut peut-être vous intéresser. Merci du renseignement, mais on n'a jamais couché ensemble. Oui, oui, c'est ce qu'on m'aurait dit si j'avais appelé le 19. Tu crois qu'un jour on comprendra ces blagues? Ouais, je sais pas, Rebecca. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour je comprendrai ce qui se trame ici. Je démasquerai les auteurs de cette ignoble conspiration. Et je ramènerai le crâne dans ses frères. Mais calme-toi! Tiens, je vais te mettre la radio. Sois sage pendant que je suis sous la douche. Avec comme invité d'honneur la très pécuniaire Sandaline. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. Le plan de réaménagement de la ville est ajourné. Je répète, le plan de réaménagement de la ville est ajourné. En effet, monsieur le maire préfère consacrer pour l'instant l'argent public à la création d'un grand show pyrotechnique avec Siegfried et Roy. Ce spectacle aura pour but de collecter les fonds nécessaires aux soins vétérinaires de leur tigre souffrant. Monsieur le maire vous attend nombreux demain matin dès 14h dans sa salle de bain. Ceci est la fin de ce journal. Il est maintenant temps d'ouvrir l'antenne à nos fidèles auditeurs dans notre programme de dédicace. La première nous vient tout droit du centre de détention Jacqueline Boubillard. Il s'agit d'Albert Tollard qui souhaite la bienvenue dans notre belle bourgade à Rebecca Comandéja et Vincent David en espérant qu'ils comprendront. I want to break free. I want to break free.